Guerrier Billy Solo. Planète rap. Dieu. Et nos R7 Geeks. Lino. Laisse-nous porter le drapeau. Ça devient nécessaire. Nos grosses couilles sur un plateau. On sert du plomb au dessert. Les RG prennent en photo. Les nouvelles paires de Gucci. On n'appelle pas le mécano quand faut sortir les Audi. Chez nous, ça braque les footeurs. Coup de crosse, ils donnent d'armes à devant tes si on fout la merde. Dieu et pardonne. Prêt à forcer les barrages. Si tu garantis le pactole, les jeunes s'achètent une calache. Avant de se prendre un iPhone, y'a pas une pute qui se taise. Ça bavarde sur l'oreiller. Dis-moi laquelle tu baises. Je te dirai qui va t'allumer. Ça trahit pour le butin. Y'a que les armes qui parlent clairement. On croisera même ton assassin à ton enterrement. Bienvenue à Marseille. Les grosses couilles à base volées. Nous la rue on la vomit. Avant qu'il pleuve, serre un verre à nos ennemis. Et si tout est permis, le parapluie est imposé. Y'a pas d'heure pour t'arroser. Marseille City. Marseille City. Si la parole fait l'homme, alors la pipe fait la femme. Si dans la street tu fais la folle, le lendemain tu te fais rafale. On a la dalle, on pète la forme. Quand on parle de balle, pas de bol, c'est celle d'Al Capone, pas de Raphaël Nadal. Trop de concurrence comme BlackBerry et iPhone. Chaque petit du checkar mérite un album, nique American Idol. Les rappeurs n'ont plus d'un spin, pompe comme un aspirateur Dyson. On voit les charlets, les cymbales que je m'installe. Je crois en Dieu, pas en leur symbole. Ramène-moi de trois MC que je me fasse une fringale. Ils parlent trop, faut les égorger ces tringues-balles. Monte au braco, tu vas décrocher la timbale. J'rappe pour les bronzés, les timbales. Même les cons dépètent un câble. Ça fait rap, rap, rap. Comme des balles en métal, on t'allume plus d'étale en pécane. Un archétal en méga. Les grosses couilles à base et volée. Nous la rue on la vomit. Avant qu'il pleuve, serre un verre à nos ennemis. Et si tout est permis, le parapluie est imposé. Y'a pas d'heure pour t'arroser. Marseille City. Marseille City. J'suis pas dans ces conneries, PSGOM. J'reste debout après le gong, la sonnerie. J'crache mes poèmes, la rage accouche de bonnes rimes. J'rappe Paname, c'est banlieue. On sert des boulevards comme ring. J'lance l'alarme, pas de non-lieu pour nous. On a l'arme prête à cracher la frappe. On te la fourre en place. Les chiens sont pressés, les flingues à bois et le four qu'on passe. Les équipes ont la dalle, y'a les autres, ceux que la nuit charme. Le diable est beau sous le néon et la fumée de chicha. Y'a les flics qui chassent, on kiffe jusqu'à la prochaine émeute. Faut faire du bif, ton du shit sur le beat. J'enchaîne les meurtres, la mondaine, les mœurs, leur Paris nocturne. Le bandit d'honneur, les rafales envoient les la route, la fleur. Bienvenue à Marseille. Les grosses couilles à base et volée. Nous la rue, on la vomit. Avant qu'il pleuve, serre un verre à nos ennemis. Et si tout est permis, le parapluie est imposé. Y'a pas d'heure pour t'arroser. Panam City. Panam City. Comme je me fous de l'an 40. Qui voudra nous carotte, goûtera aux fruits de mes phalanges. Laisse-les faire la night, leur vie est trop marrante. On n'a qu'une seule parole, des bonhommes comme Garant. Rafale sur leur mère, pour briser le silence. Le remix est légendaire, la jalousie est immense. Trop d'albums à la mer, chaque année on refait le bilan. Lino 7, Gecko, N.O.R, c'est trop bouillant. Bienvenue à Marseille. Les grosses couilles à base et volée. Nous la rue on la vomit. Avant qu'il pleuve, serre un verre à nos ennemis. Et si tout est permis, le parapluie est imposé. Y'a pas d'heure pour t'arroser. Marseille City. Marseille City. Retour de la nocturne juste après ça. Et fin de la nocturne aussi après ça, bougez pas. Un esclave qui survit gagne sa liberté. Pompéi. Pompéi. Plus de 700 000 spectateurs à sa sortie. Le succès inattendu de février dernier. Avec Kit Harington, plus connu sous les traits de Jon Snow dans Game of Thrones. Pompéi. L'histoire de Milo. Un esclave qui rêve de racheter sa liberté dans un monde que la nature va entièrement détruire. Skyrock t'offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Qu'est-ce que c'est ? C'est la montagne. Aucune autre radio nationale t'offre autant de DVD et de GoPro. Écoute Skyrock à tout moment et gagne ton DVD Pompéi plus ta GoPro.

Pas d'espace vital, pourtant on habite en France. Pour les gosses à l'hôpital, à qui personne ne pense. À ceux qui se retiennent de pleurer pour cacher la souffrance. Chacun ses raisons, mon pote. On fait ce qu'on peut, hey. Il faut que tu le saches, hein. J'suis pas mieux que toi, hey. Arrête de faire le match, hein. Chacun ses raisons. Faire du mal, du bien. C'est la vie qui a fait tout ce qu'on est. Aux autres ou à soi-même. Chacun ses raisons d'en être arrivé là où il en est. C'est le passé qui fait les choses. Et le passé on choisit pas. Nous on choisit l'avenir. N-R-O. C'est la vie qui a fait tout ce qu'on est. Chacun ses raisons. Extrait de l'album de Niro pour conclure. Il y avait Six aussi, alias Six MC, dans la Nocturne pour conclure cette Nocturne 100% rap français. Prochaine Nocturne dans une semaine, dès lundi, Team BS à l'honneur avec La Fouine, avec Sultan, Fab, Abby et Cindy à pas louper. Fabuleux, il est presque prêt. Le déchaînez pas la bête. Les deux Fab étaient là dans la Nocturne. Vous aussi, vous étiez là. Merci pour vos messages. 41-759. Il est temps de tirer le store en car lundi 20-21 et prochaine Nocturne dans une semaine. Ciao!